Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30 avec votre émission Route Tropicale. De la bonne humeur, du soleil toute l'après-midi en ma compagnie. Eh bien oui, c'est sur le 96.2. Allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez-y. Vous et moi. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. C'est le genre de choses qui vous donne la pêche quand même en ce jeudi après-midi. Hein. L'ambiance sur Arc-en-Ciel chaque jeudi entre 14h et 16h. Vous avez le titre ? C'est bon, bon, bon. Bon, allez, tiens, un petit peu de musique traditionnelle. Le grand retour de... Le grand retour de Malavoie avec un superbe album. Moi, je vous propose tout de suite extrait de cet album. Faites part. chouet flit au matelot. Faut pas ou pas goûter, oh. Mais non, faut pas pas goûter, oh. Si vous les savez, ça qui la vie. C'est nous qui mettons ça, qui ça nous les jolis. Soleil en bas ou au soir fait, pour ça qui les remasser. Si vous les savez, ça qui la vie. De monsieur Michael Guérin du bon vibe avec au chant Tinali. 96.2, le meilleur de la musique inouïe de la Caraïbe. allons continuer sur cette même cadence, si vous le voulez bien, avec le même soleil. Jusqu'à 16h30, c'est votre émission Groove Tropical. Sentiment qui est effacé, fait en sorte que t'as été indélébile. Bon, moi, qu'à songer les bons moments, qu'à songer toute calor qu'elle nous passait ensemble. À présent, on les va vraiment. Ou préférer rester collé. Moi qui fais tout, et t'es où en moi, tout chaque jour. Les vents s'y lèvent en moi, quand on me frissonne. Qui a envie de frissonner. Moi qui fais tout, et où en moi, tout chaque jour. Les vents s'y lèvent en moi, quand on me frissonne. Le temps a déjà passé. À présent, moi, c'est l'enco. Mais ça n'a pas qu'à empêcher, gardez-moi. Toujours assis sur moi. Il y en a tous les jours. Peut-être qu'il y a moi en piston. Il dit moi qu'elle c'est taille. C'est papa dit mon aïe. Même si il y a un homme, c'est moi, il y a ce qu'il y a. J'en dis là qu'on fait des vents qui nous connaissent. Nous, pas les épaules d'optimiste qui pas connaître. Vine en place en moi. Touché ou en place en moi. Ça a fait moi mal quand imaginer où sans moi. Vine en place en moi. Touché ou en place en moi. Ça a fait moi mal quand imaginer où sans moi. Moi qui fais tout, mettez-vous en moi. Tout chaque jour. Les vents s'y lèvent en moi quand on me frissonne. Qui a envie de frissonner. Moi qui fais tout, mettez-vous en moi. Tout chaque jour. Les vents s'y lèvent en moi quand on me frissonne. Qui m'ont noyé, l'idée toujours songé, moi ça taille avec mon nivé. En commandé, si toujours l'offre de moi est gagné. Mais crier fort, moi pas bon, moi ça qu'arrivé. Il comprend, il décaille, oubliez-moi tout ça. En inoubliable, oui, baby, on savait sans faire un récap. Dès que j'en nous dépien, dès que j'en nous décale, quadriller le terrain. Papa, oubliez-les, ou t'es qu'à mort pour moi, qu'à ça t'es qu'à faire, les ou t'es qu'à pour moi. Envie de frissonner, boy, pour les gens chiffonner. En qui fait tout, oui t'es où en moi, tout chaque jour. Ou à d'un rêve en moi, qu'à faire me frissonner. Pas qu'à démissionner. En qui fait tout, oui t'es où en moi, tout chaque jour. Les vents s'y lèvent en moi, qu'à faire me frissonner. Qui a envie de frissonner, ouais. En qui fait tout, oui t'es où en moi, tout chaque jour. Ou à d'un rêve en moi, qu'à faire me frissonner. folie à faire un spot balé pour après ça finir. Émotion, le tout dernier album de Criolla avec ce titre moins foco. Vous voulez une confidence? J'adore. Ça qui passait, on va la virer en l'air. ça qui rive. Faut pas la garder ailleurs. Ça qui passe, ça qui rive. Faut pas la garder ailleurs. Ça qui passe, on la montre. Faut pas la garder ailleurs. Oui, je vais la garder ailleurs. Baladier ça, baladier ça. Love you. marcher sur l'eau. Ou à peut-être moins pendant mes nages ou à dormir derrière l'eau. Bagaille au plancher, pas même quand ça me va le faire. J'ai envie de demander est-ce qu'il me plaît ou est-ce qu'il me plaît. Que ça va jamais arriver ou croiser face à face à la réalité. Como la primera vez, yo no te he dejado de pensar.

séquence souvenir dans votre émission Groove Tropical avec Jocelyne Berroir et Edith Lefel, musique c'est long. 18 ans aujourd'hui qu'Edith Lefel est partie rejoindre les écoles. J'avais eu l'occasion, même la très grande joie, de la recevoir dans les studios il y a une vingtaine d'années. En tout cas, je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. I don't see. chanson. Si seulement, si seulement. Moi j'en perds la raison. Si seulement, si seulement. On connaît la chanson. Loin de toi, je sais mieux. Pourquoi même aujourd'hui tu es un homme malheureux? Tu préfères rester seul, ne plus être prisonnier d'un amour comme le mien qui a perdu son geôlier. Si seulement, si seulement on connaît la chanson. La FM en couleur. mwen pa kablo Kwen nan lan mousa, chéri pozo Non mwen bata fou pou mbe di ou Ou ta prim an pil

approché le temps pour parler avant nous aller trop loin pour vivre avant l'orgueil barré j'aime l'amour. Dis-moi pour qui attend des yeux moins qu'à l'histoire nous qu'a commencé peut découler à qui l'est l'amour moins peut dire à l'air après où moitié moins que vini manger après ou doudou envie de faire son péché comblé oh doudou faut pas non plus la vie arrêter après ou doudou la vie que sans goût sans vérité après ou doudou faut pas me quitter j'aime faner oh doudou, moi c'était moins pire que j'en m'ai oublié. Pouti, ou pas qu'à sourire encore les moins capitaux. Vous serez resté de moi même s'il est agarré. Oubliez silence. Yeah.

fatigué, j'apprends aux trois coups. Ouais, allez coucher, Samy, endormi, endormi, endormi, endormi, endormi. Ouais, qui parle à mes soldats. Business para nous. la nou bon pa va yon talake Yon mou kon pa kay la lake Ou atake, mou plake sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Encore comment je peux te mériter. Tu m'as tant donné. Alors que moi je faisais que de négliger. Ton amour, ma fidélité. Tout ce que je n'avais pas décidé. T'inquiète pas, je vais me rattraper. Oh, oh, oh. Je t'explique, j'ai des sentiments. Je me suis attaché à. Calculé, si Si ma chan jwen yo fom takou, baby, pa kwe wap touve. Mwen monte, mwen desan, mwen vire toune. Mwen vin realize, se ou mwen men. Ou ki ou pise tje mwen. Pa fè vagabo ankor. A san sou fèp chanje. Da pri, falon jembe bon mwen. Mwen jembe ou bon mwen. Da-di-da-di-da. Si c'est les qui ont besoin, on montre que c'est les qui ont aimé. Don't walk away. Oh, Lord, Lord. Oh, Lord, Lord. Oh, Lord, avec Shabba bien sûr au chant et Princess Lover. Encore quelques minutes à passer ensemble, je vous propose une grande plage de compas. On va continuer avec Monsieur New Look. Monsieur New Look, non, n'importe quoi, Monsieur Harley la rivière du groupe New Look. C'est d'ailleurs chaud. Ouais, c'est vrai. Il fait pas chaud. Non, si, oui. Aussi. 96.2 au tropical. La vie à chaud, la vie à chaud, l'eau à chaud, l'eau à chaud. C'est maintenant qui veut grand, c'est maintenant qui veut grand. C'est une réaction humaine, pase, se nan bouch pou wap tene. Zanmi yon pe acha, li de di ou pou wap me a. Chege ton fe, nan pan ton tout konsey. Ouè moun chek. Nan yon moun ne ton, pou de ta, li pa ke. Yo de luk, les op me chan. Chege ton fe, nan pan ton tout konsey. Nan yon moun ne ton, pou de ta, li pa ke. Pas bon, chez nous, je me tente de faire. Aujourd'hui, la promesse de ne pas laisser faire. Attention à cette émission avec une belle chanson d'amour quand même, hein. Avec ta couple d'enfer, Rochelle et Monsieur Osvald. Ah waouh, tu craques. Pour se mettre en forme. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée sur le 96.2. La suite avec Gloria d'ici quelques minutes. Et puis, ben, en attendant, moi, je vous retrouve jeudi prochain. Surtout, surtout, surtout, prenez soin de vous. Et puis, ben, restez chez vous aussi parce qu'on n'a pas le choix du tout. On termine avec Victor Martinel. Bisous à tous, à la semaine prochaine. Bye bye. Maman, il ça pas facile d'y rester en Kaila. Mais nous bien obligés, si mon nous qui payé. L'État pas qu'à faire, virus pas même parler. Vous étiez confiné. Say.